إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أولا نشكر الله عز وجل لهذه النعمة Premièrement, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. C'est un bienfait que d'être dans une mosquée, fi baytin min buyutillahi azza wa jal, dans l'une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être assis et de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wa salaf al-ummah, ainsi que des pieux prédécesseurs. Ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wa radiallahu ta'ala anhum, ainsi que des compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Wa hum afdalu min hadhi l'umma, et eux sont les meilleurs de cette communauté, après tous les prophètes et les messagers. Wa ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Muhammad ibn Abdullah, أصحابه أفضل من أصحابه موسى وعيسى وإلى آخره. Les compagnons du messager d'Allah, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, sont meilleurs que les compagnons des autres prophètes. Comme dans le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne qu'Allah azza wa jal a regardé dans les cœurs de l'humanité. Il a vu qu'il y avait un cœur qui était meilleur que tous les autres cœurs. C'était le cœur du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ensuite, il a regardé dans les autres cœurs et il a vu les cœurs des compagnons du prophète, radiallahu ta'ala anhum. Bien sûr, un prophète ou un messager est plus élevé auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. On trouve des miracles qui ont été donnés à des prophètes comme Isa alayhi salatu wassalam. Il relevait le mort bi'idhnillahi ta'ala, par la permission d'Allah. Il guérissait le lépreux par la permission d'Allah. Il rendait la vue par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Musa alayhi salatu wassalam, qui a ouvert la mer en deux bi'idhnillahi ta'ala, par la permission d'Allah azza wa jal. Wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salatu wassalam, qui a construit l'arche bi'idhnillahi azza wa jal, qui a fait monter un mâle et une femelle de chaque animal et qui a survécu au déluge. Allah subhanahu wa ta'ala a noyé toute la terre, mais lui a été sauvegardé, alayhi salatu wassalam. Chaque prophète est venu, chaque messager d'Allah subhanahu wa ta'ala est venu avec son miracle. Or, il y a des miracles qui ont été donnés à ces prophètes qui n'ont pas été donnés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas relevé un mort. Par exemple, il n'a pas ouvert la mer en deux, ou autre. Par contre, certaines de ces mu'jizat, de ces miracles qui ont été donnés à tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, alayhim salatu wassalam, on retrouve certains de ces miracles qui ont été donnés comme karamat aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non pas à lui, mais à ses compagnons. Radiallahu anhum. Ce qui montre le rang élevé de Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Et sachant que Sahaba sont inférieurs aux messagers d'Allah alayhi salatu wassalam, avec les karamates qu'ils ont eus, et que leurs karamates à eux c'était des mu'jizat inda al-anbiya wa al-rusul, qu'est-ce qu'il en est du messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui-même, Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Comme vous le savez, cette religion, elle se trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an, et dans la tradition prophétique, dans la sunna, al-sahiha, la sunna authentique du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Or chacun de nous, kullu muslim wa muslima, chaque musulman, chaque musulmane, il lui est obligatoire de suivre le Coran et la sunna. Lakin, bifahm al-salaf, à la compréhension d'une seule communauté, la meilleure, as-sahaba radiallahu anhum, wa afdalu minhum Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum. Wa yaqulu an-nabi alayhi salatu wassalam fi as-sahih, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Comme l'a mentionné le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, alaykum bi sunnati, prenez ma sunna, ma tradition. Et la sunna, la tradition des califes bien guidés. Bien guidés dans la science et dans les comportements. Bien guidés afin de ne pas tomber ni dans les ambiguïtés. Fitnatu shahawat wa fitnatu shubuhat. Dans les ambiguïtés des passions et des pulsions, ainsi que les ambiguïtés dans la croyance, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-sahaba radiallahu anhum est à l'abri de ça. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Ar-rashidin al-mahdiyin. Deux guidées. Une afin et assez de science pour ne pas tomber dans tout ce qui est les passions. Comme l'adultère, le vol, le mensonge, la tricherie, la fornication, la médisance, an-namima. Et une autre guidée, afin que leur guidée à eux soit complète, afin de ne pas tomber dans quoi ? Al-shirk wal-bid'ah. Ni dans l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans l'innovation d'Allah, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous ordonne de prendre leur sunnah. Pourquoi ? Parce qu'elle est, il la tire d'où ? Il la tire du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Le lien entre le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et nous, c'est qui ? As-sahaba. Voilà pourquoi les ennemis de l'islam ont voulu rentrer dans l'islam. Comme Abdullah ibn Sabah, l'Yahoudi al-Munafiq. Abdullah ibn Sabah, qui est un juif rentré dans l'islam, qui a fait semblant de se convertir à al-Munafiq, qui était un hypocrite, et qui a fondé les chiites, le mouvement des chiites, jusqu'à ce qu'ils disent à Ali ibn Abi Talib, « Anta Allah, toi t'es Allah. » Ali ibn Abi Talib, après leur avoir fait une narsiha, après avoir mentionné que non, non, non, non, il les a brûlés. Lorsqu'il les a brûlés, ils ont dit, « Bila shik anta Allah. » Il n'y a pas de doute maintenant. Toi, tu es Allah. Seul Allah puni par le feu. Wali'adhu billah. Dakhala fil islam. Bishirk wal bidah. Il est entré dans l'islam comment ? Avec quoi ? Avec shirk wal bidah. Et il a ramené ça fi quloub al muslimin. Dans le cœur des musulmans. Quelqu'un en dehors de l'islam pour détruire l'islam de l'intérieur. Et ce n'est pas nouveau. Or, celui qui a accroché as-salaf as-salih aux pieux prédécesseurs, as-sahaba radiallahu anhum, bi-idhnillahi ta'ala, il est sûr de comprendre la religion comme elle doit être comprise. As-sahaba radiallahu anhum, mets-toi à leur place. Ils sont assis avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ils mangent avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ils parlent avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ils regardent le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ils l'observent. Dans tous ses faits et gestes, il le suit. Il l'écoute. Le Coran est révélé, un compagnon est présent. S'il n'est pas présent au moment où c'est révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Allah m'a révélé, qala Allahu ta'ala kada wa kada. Il est présent. Certains minas sahaba sont mentionnés par Allah tabaraka wa ta'ala. Certains parmi les sahaba reçoivent le salam de qui? D'Allah azza wa jal lui-même. Subhanallah. Allah azza wa jal lui donne le salam. Comme Aïcha radiallahu anha ou Abu Bakr Siddiq radiallahu anha. Certains sahaba sont concernés, sont la cause qu'un verset du Coran est révélé. Qu'Allah azza wa jal a parlé. Le Coran ou Kalam Allah azza wa jal. الدين كله بفهم السلف بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم في العلم والعمل والأخلاق في كل شيء. Cette religion, tu ne peux pas l'acquérir tant que tu la comprendras pas à la meilleure des compréhensions. Et il y en a qu'une, à la compréhension de Sahaba. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de Sahaba? Combien de fois Allah azza wa jal nous a mentionné de s'accrocher au livre et à la sunna par eux? Or, les gens se mettent à insulter sahaba afin de couper cette communauté du seul moyen d'arriver au prophète alayhi salat wa salam, du seul moyen d'arriver à tenir cette religion, qui sont as-sahaba radiallahu anhum. Comme aujourd'hui, ils le font avec al-ulama, avec les savants. Pourquoi certains insultent l'ulama? Il y en a qui sont d'ahlul bidah, des innovateurs qui insultent les savants, oui. Mais il y en a qui font semblant de rentrer dans l'islam et qui propagent cela dans le cœur des musulmans et qui insultent les savants pour que les gens n'aillent plus vers ces savants. Or, sans l'ulama, comment veux-tu connaître le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, ou sahaba? Comment veux-tu comprendre le Coran? S'il n'y a pas des savants pour t'expliquer le Coran, qui va te l'expliquer? Quelqu'un de la masse, sans science? وفي هذا شهر رمضان المبارك. شهر رمضان, Allah Azza wa Jalla l'a légiféré. Et comme on a dit dans chaque chose, et notamment le mois de Ramadan, puisqu'on y est, tu te dois de pratiquer ce mois de Ramadan et de comprendre la sagesse de ce mois de Ramadan. Et d'appliquer les ibadat, les adorations de ce mois de Ramadan, de prendre conscience de la valeur du mois de Ramadan, comme l'ont fait, compris et appliqué as-salaf as-salih, as-sahaba, radiallahu anhum. As-sahaba, 6 mois avant Ramadan, ils demandent à Allah Azza wa Jal, compte-moi parmi ceux qui vont jeûner pendant le mois de Ramadan. Tous les autres mois après Shahr Ramadan, ils demandent à Allah, accepte de nous le mois de Ramadan, nos jeûnes, as-siyam wal qiyam, nos jeûnes et nos prières. Ce qui signifie que dans l'année entière, ils ne pensent qu'à Shahr Ramadan al-Mubarak. Pourquoi? Parce que celui qui ne se rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un mois comme celui-ci, celui qu'Allah azza wa jal ne lui pardonne pas ses péchés dans un mois comme celui-ci, il est perdu. النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر وقال آمين آمين آمين. Le prophète صلى الله عليه وسلم est sur le minbar, il dit 3 fois آمين. آمين qui signifie que cela soit exaucé. Qu'Allah exauce cette dua ou cette prière. C'est ce que l'on dit après le Fatiha. Sahaba رضي الله عنه lui demande, pourquoi tu dis Amin 3 fois? Parmi les 3 causes de ce Amin, d'avoir dit cela, il dit que Jibril alayhi salatu wassalam est venu le voir et qu'il lui a dit 3 choses. Et parmi ces 3 choses, qu'est-ce qu'il lui a dit? Que celui pendant le mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas, qu'il soit maudit. Qala Amin alayhi salatu wassalam wa du'a al-rasoul مستجابة كذلك الدعاء الملائكة Dua al-Malaika mustajab. L'invocation d'un prophète, elle est exaucée. L'invocation des anges, les invocations des anges sont exaucées. Celui, pendant le mois de Ramadan, celui qu'Allah Azzawajal ne lui a pas pardonné, il est maudit. La'na. C'est quoi la'na? La'natullah alayhi. La malédiction d'Allah sur lui. La malédiction d'Allah, c'est que le fait que Yom al-Qiyamah, tu es repoussé de la miséricorde d'Allah. Al-bu'du min ar-rahmatillahi azza wa jal. Tu es éloigné de la miséricorde d'Allah. Or, celui qui n'a pas la miséricorde d'Allah, Yom al-Qiyamah, il finit où? Fi nar jahannam, wa li'azu billah. Wa fi hadha shahr Ramadan al-mubarak, laylatun mubarak. Il y a une nuit bénie dans ce mois béni. Laylatul Qadr. Ces 10 derniers jours, ils vont arriver, bi'idhnillahi ta'ala. Est-ce que chacun est prêt à accélérer, comme on dit? C'est la dernière ligne droite de ce mois-là. On espère, incha'Allah, et sallallahu azza wa jalla le sait, qu'on a ramassé le hasanat, que nos jeûnes, que nos prières sont acceptées. À condition que notre jeûne, les conditions du jeûne ont été faites, accomplies. Que les conditions de la prière ont été accomplies. Que les obligations du jeûne et de la prière ont été accomplies. Que les obligations du jeûne et de la prière ont été accomplies. Bishurut, bil arkan wal wajibat. Et que l'on s'est éloigné de tout ce qui annule le jeûne ou tout ce qui annule la prière. Combien de gens croient qu'ils font le bien et ils arrivent yom al-qiyama al-muflis, il n'a rien. Il n'a rien yom al-qiyama. Il croyait qu'il avait fait beaucoup mais il n'a rien. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, premièrement, il ne l'a peut-être pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, il se peut qu'il n'a pas fait, ce qu'il a fait n'est pas conforme à ce qu'Allah azza wa jalla lui a demandé. Tu n'adores pas Allah comme toi tu le veux. Tu adores Allah tabaraka wa ta'ala comme Allah azza wa jalla le veut par son livre et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Tu adores Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu que les gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala bil kitabi wa sunna, lakin bi fahmi salaf, bi fahmi sahaba radiyallahu anhum wa al-ulama min ahli sunna, ainsi que des savants, des gens de la sunna. Là, tu peux espérer que tes œuvres sont exaucées, que tes doigts sont exaucés, que tes œuvres sont acceptées. Bi'idhnillahi ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pour ceux qui croient que ça y est, leurs œuvres sont déjà acceptées, n'a-t-il pas mentionné pour une femme qui faisait des qiyam al-layl, qui priait la nuit et qui faisait beaucoup de sadaqat, il lui a dit tout cela ne lui sert à rien. Cette femme-là, ça là, ces qiyam al-layl et ces sadaqat qu'elle fait ne lui servent à rien. Pourquoi? Parce qu'elle fait namima. Parce qu'elle divise les gens. Le mal qu'elle fait l'emporte sur le bien qu'elle fait. Qiyam al-layl, as-sadaqat. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui dit, ce qu'elle fait là, ça ne lui sert à rien. Elle fait an-namima. An-namima, c'est quoi? Diviser les gens entre eux. Diviser un imam des gens de sa mosquée. Diviser un gouverneur de son peuple, diviser un père de famille de sa famille, diviser un homme de son épouse ou l'épouse de son mari, diviser les parents des enfants, diviser des frères entre eux, diviser des sœurs entre eux. Le fait de diviser en montant l'un contre l'autre. An-namima. Celui qui fait ça, yom al-qiyama, Allah azza wa jalla le fera pas rentrer au paradis. لا يدخل الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام. Il ne rentre pas au paradis celui qui fait une namima. Est-ce que chez toi c'est quoi qui l'emporte? Est-ce que c'est le bien ou bien c'est le mal? Est-ce que tu fais plus de bien que de mal? Est-ce que tu essaies de t'éloigner du mal بالصيام والقيام, par le jeûne et par les prières? Est-ce que tu essaies de suivre as-salaf as-salih as-sahaba في العبادة وفي معرفة الله عز وجل في التوحيد, d'essayer de comprendre cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-salaf as-salih. Lorsque tu lis leur vie, pourquoi tu crois toujours le... C'est toujours le plus haut des niveaux. Dans tout. Ils étaient forts dans tout. Parce qu'ils n'avaient qu'un souci, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela n'est pas nouveau, puisqu'à la base, c'est la tradition des prophètes. Moussa alayhi salatu wassalam, n'a-t-il pas demandé à Allah, informe-moi d'un dhikr, hein, d'un rappel que je fais, que les autres ne font pas. C'est-à-dire, moi, je veux un truc précis pour me rapprocher plus d'Allah, pour me rapprocher plus de toi que les autres. Ce n'est pas par orgueil qu'il demande ça, ou pas pour être plus savant que les autres. Il veut se rapprocher encore plus d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qul Allahu jalla wa ala, qul la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Il a dit, mais tout le monde dit la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il a voulu là? Il a voulu se rapprocher encore plus que les autres. Il a voulu avoir une science, al-ilm nafi', une science profitable pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ziyadatu taqwa. Ibrahim alayhi salatu wa salam. Est-ce que Ibrahim alayhi salatu wa salam, imam fit tawhid, un imam dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il demande à Allah Azza wa Jal? Montre-moi comment tu donnes la vie après la mort. A'indahu shak? Est-ce qu'il aurait un doute? Lui? Ibrahim alayhi salatu wa salam, celui qu'on a jeté dans le feu et qu'un ange vient lui dire, je viens t'aider, lui dit, je n'ai pas besoin de toi, j'ai besoin de celui qui t'envoie, Allah subhanahu wa ta'ala. Yani pourquoi toi je vais te demander alors que toi il te faut la permission d'Allah? Autant que je demande directement Allah Azza wa Jal. Tuhid. Lui, il aurait un doute sur le fait qu'Allah il donne la vie après la mort. Pourquoi est-ce qu'il lui demande? Ziyadatul ilm, wa bi ziyadatil ilm, ziyadatul iman, ziyadatul tawakkul Allah Azza wa Jal. Les ziyada faqat. Il demande pour avoir plus de science. Et par ce plus de science, avoir plus de connaissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir plus de foi. Que la foi l'augmente encore plus. Afin que son tawakkul, sa confiance, elle augmente encore plus. Afin de se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Zakariya alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce qu'il dit à Allah azza wa jal? Moi qui suis vieux et ma femme stérile, je vais avoir un enfant. Est-ce qu'un prophète comme lui pourrait s'étonner de ça? Est-ce que sa connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas assez grande pour ne pas douter sur une chose comme ça? Il ne doute pas. Lorsqu'il demande ça à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est quoi? Il veut savoir ma huwa as-sabab. C'est tout. C'est quoi la cause? C'est comme s'il demandait à Allah tabaraka wa ta'ala, quelle cause tu vas utiliser, puisque moi je suis vieux et ma femme elle est stérile, pour que je puisse avoir un enfant? As-sabab. Ma'rifatu as-sabab. Faqat. Juste pour connaître la cause. Mais en aucun cas, il aurait un doute sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un prophète d'Allah, alayhi salatu wassalam. Cette sunnah, qui est une sunnah, une tradition de nos prophètes, alayhi salatu wassalam, ainsi que du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Aïcha lui a dit, pourquoi tu fais tout ça? Tu pries jusqu'à ce que les pieds soient en sang. Alors qu'Allah Azza wa Jalla t'a pardonné tous tes péchés passés et futurs. Qu'est-ce qu'il a répondu? N'ai-je pas le droit de remercier mon Seigneur? Qu'est-ce qu'il cherche par ça? À se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur niveau, on ne pourra jamais l'atteindre. Même niveau de salaf au salat, on ne pourra pas l'atteindre. Seulement Allah Azza wa Jalla t'a ordonné de les suivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint la perfection dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les gens qui connaissent le mieux Allah Azza wa Jal. إذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ceux qui craignent le plus Allah, ce sont les savants. لماذا؟ أعلم العلماء في معرفة الله عز وجل في التوحيد في أحكام الله عز وجل في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي شريعة الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته. Parce que ce sont ceux qui connaissent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi ce sont ceux qui craignent le plus Allah. Kadhalik al-muslim. Al-muslim yas'al li nafsi. Li nafsihi yas'al. Il se demande à soi-même, est-ce que je crains Allah comme il se doit? Est-ce que j'adore Allah tabaraka wa ta'ala comme il se doit, comme l'ont fait mes prédécesseurs dans la foi, ceux qui nous ont précédés dans la foi. Est-ce que j'adore Allah tabaraka wa ta'ala comme as-salaf as-salaf ont adoré Allah azza wa jal? Est-ce que je rejette tout ce qui annule l'islam et tout ce qui annule mes ibadat et tout ce qui annule ma aqida, tout ce qui annule mon manhaj comme as-salaf as-salaf l'ont fait, comme as-sahaba? Est-ce que je redonne le bien comme as-salaf as-salaf l'ont fait? Est-ce que j'interdis le mal comme as-salaf as-salaf l'ont fait? عقيدة منهاجا معاملة وأخلاقا في كل شيء تتبع السلف. Dans l'aqida, il faut que ta aqida, ta croyance, elle soit comme celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La même croyance. Tu n'auras pas le même niveau de foi, mais tu auras la même croyance, bi'idhnillahi ta'ala. De comprendre cette croyance comme eux l'ont compris. De comprendre. Al-fahm, al-manhaj. Ma huwa al-manhaj, al-fahm. Comment tu comprends les choses? Mais n'a qu'à salafi. Tayyib, hadith teskiya. Tu t'es donné un titre. À partir du moment où tu donnais un titre, ça veut dire que tu es irréprochable dans ce titre. C'est que tu les suis dans tout. Tu ne peux pas dire, moi, je suis ça, comme ça, salaf, salaf, salaf. Mais dans cette petite mas'ala, là, j'ai pris d'un autre que salaf. Pourquoi? Ils se sont trompés, eux, dans cette mas'ala? Pour que tu puisses aller voir ailleurs? Là? Non. Tu dois prendre et les suivre dans tout. Dans les actions avec les gens, dans le relationnel, tu dois te comporter comme salaf salaf ils étaient. Des exemples, il y en a des récits et des livres qui racontent la vie de salaf. Mais personne ne les ouvre, très peu les ouvrent. Si beaucoup l'ouvriraient, on n'aurait pas tous ces dégâts dans la communauté, tous ces problèmes. Même chez les gens de la sunna. Dans tout ce qui est mariage, dans tout ce qui est commerce et compagnie. Si les gens connaissaient la vie de salaf, ils ne se comporteraient pas comme ils se comportent maintenant. Certains ont cru que c'était juste fait l'aqida ou le manhaj. Mais même ça, si tu avais une aqida authentique et un manhaj qui est bien authentique à 100%, tu aurais un bon comportement. Parce que ces gens-là, ils croient que ça y est, l'aqida, ils l'ont atteint. Ils la connaissent parfaitement. Et que le manhaj, ils l'ont compris parfaitement. Et quand tu regardes leur comportement, ça ne suit pas. C'est qu'il y a un problème. C'est que là, tu ne suis pas as-salaf salih. As-salaf salih, leur science était suivie directement par les actions. Comme il dit, Cheikh Al-Uthaymeen rahmallah, as-salaf salih, lorsqu'il pose une question, lil-amal. C'est pour appliquer. Est-ce que toi, les questions que tu poses, c'est pour appliquer? Est-ce que tu es concerné par les questions que tu poses? Fi shahr Ramadan al-Mubarak, combien de questions elles viennent? Est-ce que tu es bien concerné par les questions que tu poses dans le jeûne? Ou bien c'est juste pour être curieux? Or aujourd'hui, nous on pose des questions par curiosité. Et le salaf, même s'il pose une question fil asma wa sifat, c'est pour se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan, yas'al ma ma'na al-wahhab? Al-wahhab min asma Allah azza wa jalla. Par exemple, il pose la question, al-wahhab, c'est quoi ce nom? Je ne comprends pas le ma'na de ce nom. Il y a celui qui demande par curiosité, il y a celui qui demande pour accomplir, pour appliquer. Tu vas lui expliquer, c'est celui qui donne abondamment. Celui que lorsqu'il donne, on ne peut pas l'empêcher de donner. Allah subhanahu wa ta'ala. Celui que quand il prend, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas l'empêcher de prendre. Celui que quand il donne, il n'y a aucun manquement chez lui. Or nous, lorsqu'on donne, on a un manquement. Allah azza wa jalla, lorsqu'il donne, cela ne diminue en rien son royaume. Subhanahu wa ta'ala. Il est parfait dans ses noms. Celui qui comprend ça, qu'est-ce qu'il demande? Ya al-Wahhab, toi al-Wahhab, ya Allah, al-Wahhab, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Et il y a celui qui a juste pris l'information. Ah, ça y est, maintenant je comprends. Khalas. Wa fi ad-du'a, dans le du'a, dans la vocation, il ne demandera pas par ce nom, alors qu'il vient de l'apprendre. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de l'adorer par ses noms. Fad'uhu biha, hein, invoquez-le par ses noms. Wa lillahi al-asma'ul husna, fad'uhu biha. Et à Allah appartiennent les noms parfaits. Et là, il y a un ordre d'Allah. Ce n'est pas un conseil qu'on te donne, c'est un ordre. Invoquez-le par ses noms. Tu as appris c'est quoi le Wahhab ? Demande par ce nom-là. Dans ce mois de Ramadan, comme vous le savez, il y a les 10 derniers jours. Malheureusement, on trouve certaines personnes qui négligent ces 10 derniers jours. Pourquoi ? Ils négligent dans le sens où ils n'ont pas pris conscience de la valeur des 10 derniers jours du mois de Ramadan et de cette nuit bénie qui est Laylatul Qadr. Certains font de l'exagération. Les premiers, ils négligent. Ils sont à un extrême. Les autres sont de l'autre extrême, dans l'exagération. Fi hadhihi al-laylati al-mubaraka yushrikuna billahi 'azza wa jalla. وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ وَالْبِدْعَةِ. Certains, durant cette nuit, pour eux, c'est une nuit sacrée comme pour tout le monde, c'est une nuit spéciale. Malheureusement, ils en profitent pour accentuer encore plus le shirk qu'ils ont l'habitude de faire. Tiens, durant cette nuit, comme elle est spéciale, la 27e nuit, ou la 21e, ou la 23e, ou la 25e, même si la majorité des gens avec science ou sans science, Allahu a'lam, croient que c'est la 27e nuit. On va profiter de cette nuit pour aller voir la tombe de Sidi Foulen. On va profiter de cette nuit pour égorger une bête pour tel wali. On va profiter de cette nuit pour aller voir tel devin. C'est une nuit spéciale, il va peut-être nous informer d'une chose spéciale. On va profiter de cette nuit pour aller voir Sheikh Foulen, parce que Sheikh Foulen, ya'lamul ghaib, il connaît l'invisible. Il a des choses qu'Allah lui a données que nous, on n'a pas. D'autres sont dans le bid'ah durant cette nuit, dans l'innovation. Ils profitent de cette nuit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala par une chose qu'Allah azza wa jalla n'a jamais permis, sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala bil kitab, wala bi sunnah, wala bi athar salaf al-umma, radiallahu ta'ala anhum. Ils vont adorer Allah durant cette nuit sacrée, ni par le livre d'Allah, ni par la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ni par les traces des pieux prédécesseurs, sahaba radiallahu anhum, ainsi que ceux qui les ont suivis là-dedans. Lakin bil bid'ah, par des innovations, faire du dhikr à haute voix tous ensemble, lire le Coran à haute voix tous ensemble, faire des prières qu'on n'a jamais vues, mentionner des du'as en disant qu'elle est meilleure que 1000 fois la lecture du Coran. Voilà le dalil, voilà fil kitab, voilà fil sunnah, voilà fil athar. Il n'y a aucune preuve de tout ça dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le problème, c'est que lorsque tu leur demandes des preuves, ils te disent quoi ? Mais c'est un bien. On veut faire le bien. Tu ne peux pas nous empêcher de faire le bien. Tu nous empêches de faire des dhikr. Non, on vous empêche de la manière de faire du dhikr, et non pas de faire du dhikr. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, un homme, il éternue, il dit « Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah ». Il le regarde et lui dit, il a été étonné. Il a dit « Nous aussi on dit « As-salatu wa salam ala rasulillah ». Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris lorsqu'on éternue de dire « Alhamdulillah ». Ou bien « Alhamdulillah Rabbil Alamin. » Il a rajouté, le dhikr, il est bien, mais ce n'est pas le moment de mentionner cette chose-là. Ou quelquefois, ce n'est pas le lieu de mentionner cette chose-là. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le sahabi vient le chercher, lui dit, viens, j'ai vu quelque chose d'étrange à la mosquée. Viens. Des gens qui font le dhikr à haute voix, tous ensemble, bisauti wahida, avec une seule voix, tous ensemble, rythmé, yani. Qu'est-ce qu'ils disent ? La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Ces paroles, elles sont belles ou elles ne sont pas belles ? Elles sont belles. Mais la manière dont vous la dites, elle n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Uddu sayyatikum. Allez-y, comptez vos péchés. Il a le droit de dire ça parce qu'il est l'autorité à ce moment-là. Ils lui ont dit, mais ya Abu Abdurrahman, oh toi Abu Abdurrahman, c'était sa kunya, Abdullah ibn Saoud. On ne veut faire que le bien. Combien de gens veulent atteindre le bien, veulent le bien, mais ils ne l'atteindront jamais. Voilà ce qu'il lui a répondu. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui ont combattu les compagnons après, en étant dans les rangs des Khawarij, de cette secte-là, qui ont combattu et tué les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc chacun se doit d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, comme il se doit durant cette nuit bénie. Cette nuit bénie, c'est une fois par an. Une fois par an. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, l'a mentionné dans son livre, lorsqu'il a mentionné « Inna anzalnahu fi laylati al-qadr ». Inna anzalnahu. Certes, nous l'avons révélé durant la nuit du Qadr, Laylatul Qadr, Laylatul Qadr. Anzalnahu. Nous l'avons dit ta'zim. Allah tabaraka wa ta'ala, parfois lorsqu'il parle de lui, utilise le na qu'on appelle lit ta'zim, c'est pour la grandeur. Nous avons, mais en vérité, il ne s'agit que d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Pour la grandeur. Quelquefois, Allah Azza wa Jal parle de lui-même tout simplement, sans utiliser ce na qui est pour montrer la grandeur. Anzalnahu. Ce que l'on va essayer de faire, c'est de comprendre cette nuit-là. Qu'est-ce qui se passe durant cette nuit-là? De comprendre cette surah qu'Allah Azza wa Jal a révélée lui-même, puisque c'est sa parole, comme l'ont compris les pieux prédécesseurs, comme l'ont compris les savants qui suivent ces pieux prédécesseurs. Anzalnahu hu al-Qur'an. Nous l'avons révélé quoi? Le Qur'an. Le Qur'an a été révélé durant Filaylatil Qadr. Ce n'est pas parce qu'elle a été révélée fi laylatil qadr, hein, que le Coran a été révélé fi laylatil qadr, que ça y est, le jeûne du mois de Ramadan avait déjà été légiféré. Il faut bien comprendre ça. Le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne obligatoire, il est arrivé après. Pendant 9 ans, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui, il jeûnait, mais les croyants avaient le choix entre jeûner ou donner une sadaqa, ou nourrir un pauvre. Après ces 9 ans-là, Allah tabaraka wa ta'ala, on vous a prescrit le jeûne, on l'a rendu obligatoire. Wa laylatul qadr fi Ramadan. Qala Allahu azza wa jal, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat min al-huda wal-furqan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Si Allah tabaraka wa ta'ala, dans le premier verset, il dit, nous avons révélé le Coran fi laylatil qadr, dans cette nuit, la nuit du destin, la nuit bénie. Et que dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé, nous avons révélé, le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan. Cela prouve, al-jam'u, on réunit les deux versets, cela prouve que laylatul qadr fi shahr Ramadan, elle se trouve durant le mois de Ramadan. Elle ne se trouve ni avant ni après, comme certains le mentionnent, et c'est une erreur. Certains veulent faire croire que Laylatul Qadr, hein, tout est bon pour éloigner un musulman de la bonne croyance, pour celui qui est contre l'islam et les musulmans. Faire croire que Laylatul Qadr, elle est dans le mois de Sha'ban, par exemple, ou le mois de Shawwal, ou à un autre moment. Non. Kalam Allah Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala mentionne qu'il a révélé le Coran fi laylatil qadr et qu'il l'a révélé fi shahr Ramadan. Donc cela signifie que laylatul qadr hiya fi shahr Ramadan. Elle se trouve dans le mois de Ramadan. Ni avant, ni après. Et ni dans un autre mois, comme le mentionne l'ulama. Tayyib. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Allah tabaraka wa ta'ala mentionne Qu'est-ce que Laylatul Qadr? Qu'est-ce que Laylatul Qadr? Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il questionne ici, et cela s'adresse à son prophète, alayhi salatu wa salam, en premier, qu'est-ce que Laylatul Qadr? Qui va t'apprendre ce qu'est Laylatul Qadr? Cela ne signifie en aucun cas qu'Allah Azza wa Jal s'étonne ou se questionne. Non. Au contraire, il confirme et il va donner, expliquer, juste après Allah tabaraka wa ta'ala va dire ce qu'est Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr. Al-istifham wal-jawab. La question, wa ma adaraka ma Laylatul Qadr? Qu'est-ce que Laylatul Qadr? C'est quoi cette nuit? Chaque musulman qui lit ce verset, il se pose la question à lui-même. Le Coran, il n'est pas fait pour rêver. Le Coran, il n'est pas fait pour être lu seulement. Le Coran, il n'est pas fait pour embellir des murs, comme on le voit, ou des assiettes maintenant, comme ça se fait. Des gens mangent dans des assiettes où il y a écrit le Coran, ou ils boivent dans des verres à thé où il y a écrit le Coran. Le Coran, il n'est pas fait pour soi-disant porter chance avec une amulette dans une voiture. Le Coran, il est pour les vivants, il n'est pas pour les morts. Le Coran, il est fait pour être appris, pour être compris et appliqué. Pas autre chose. Lorsque tu lis wama adaraka ma laylatul qadr, qu'est-ce que laylatul qadr? Tu t'arrêtes et tu te poses la question. C'est vrai, c'est quoi cette nuit? Si Allah Azza wa Jalla a révélé une sourate rien que pour ça, subhanallah, dans son livre, et c'est sa parole, c'est kalam Allah Azza wa Jalla. Lui-même, Allah Azza wa Jalla, accentue sur cette nuit-là. Et le Coran a été révélé pour les musulmans. Wa ana minhum. Et je fais partie d'eux. Alors qu'est-ce qui m'est demandé ici? Qu'est-ce que Laylatul Qadr? Allah tabaraka wa ta'ala répond, elle est meilleure que 1000 mois. Qu'est-ce que ça signifie qu'elle est meilleure que 1000 mois? Elle est meilleure que 1000 mois sans Laylatul Qadr. Les 1000 mois là, tu les prends? Mais est-ce que Laylatul Qadr se trouve dans ces 1000 mois? Non. Elle est meilleure que 1000 mois. 1000 mois qui ne contiennent pas cette nuit. Donc cette nuit-là, elle toute seule, elle est meilleure que 1000 mois. Dans quel sens? Dans la récompense. Celui qui fait une ibadah durant cette nuit-là, la récompense d'une adoration durant cette nuit-là est meilleure que 1000 mois d'adoration. Subhanallah. At-tasbih. Taqul subhanallah. Fi hadhihi al-laylati al-mubarakah, c'est meilleur que 1000 mois de tasbih. Alhamdulillah, alhamd. Le fait de dire alhamdulillah durant cette nuit-là, c'est meilleur que 1000 mois d'ibadah. Une adoration faite durant cette nuit-là est meilleure que 1000 mois d'adoration. Plus de 80 années. 83 et quelques années d'adoration. 83 années complètes. Sans dormir, sans manger, sans rien. Que de l'ibadah. Cette nuit-là, elle toute seule. Lakin ba'dun nas min al-muslimin في هذه الليلة المباركة هم في الشرك هم في البدعة هم في المعصية والعياذ بالله. Et certains durant cette nuit n'ont rien trouvé d'autre que quoi? Que de commettre du shirk, d'invoquer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'égorger pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que Allah tabaraka wa ta'ala qui les a créés, qui leur a donné la vie, qui leur donnera la mort, qui leur a donné la subsistance. Ils n'ont rien trouvé d'autre que d'adorer Allah par un autre moyen que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils passent à côté de tout cela. Ils n'ont rien trouvé d'autre que de commettre des péchés durant cette nuit-là. Combien on voit, je l'ai vu de mes yeux, des affiches, venez pour la 27e nuit, concert de ça, etc. Concert dansant, je ne sais pas comment on appelle ça. والاختلاط والى اخره والعياذ بالله المعصيه في هذه الليالي المباركه une nuit qu'Allah Azza wa Jalla a choisi spécialement pour ses serviteurs. Il l'a choisi cette nuit pourquoi? Rahmatan, par miséricorde. Or un cœur malade, quand tu lui dis il faut faire des efforts durant cette nuit, al-kasal, il est feignant. Lui, c'est la feignantise qu'il voit. Lui, il voit qu'il faut faire encore plus. C'est un fardeau, au lieu que ce soit un plaisir. Alors que cette nuit-là, elle a été donnée pour lui comme une miséricorde. C'est pour toi qu'on t'a donné cette nuit. Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin de toi. Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas besoin ni de toi, ni de ton jeûne, ni de tes prières. Même cette nuit, il n'en a pas besoin. C'est une miséricorde qui nous l'est donnée, afin que celui qui a commis beaucoup de péchés, durant cette nuit-là, bi'idhnillahi ta'ala, il peut se rattraper. Durant ce mois-là, il peut se rattraper. Encore plus durant cette nuit-là. Fi laylatil qadr. Wa salafu salih, radiallahu anhu. Ils passaient cette nuit dans l'ibadah. Ils allongeaient les prières. Ils lisaient encore plus le Qur'an. Ils accentuaient la lecture du Qur'an. Ils accentuaient le sadaqat. Fi hadhihi laylatil mubarakah. Chaque bien qu'ils pouvaient faire, ils le faisaient. Et c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas fait une seule adoration, il n'a pas légiféré qu'une seule. Voilà, as-salat et rien d'autre. Non. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla connaît ses créatures. Celui qui peut faire beaucoup de sadaqat, qu'il fasse beaucoup de sadaqat. C'est pour ça que le paradis a plusieurs portes. Chacun prendra là où il a la facilité. Celui qui a la facilité dans la lecture du Coran, il accentuera la lecture du Coran. Celui qui a la facilité de prier la nuit, il accentuera les prières de la nuit. Chacun prend là où il est, lui, le plus facile. On ne t'a pas demandé de te surcharger. As-sahabiya qui se tenait la nuit avec, elle se tenait avec une corde. Tellement elle priait, elle était fatiguée qu'à la fin elle se tenait avec une corde. Le prophète lui a dit « Enlevez-moi ça ». Il lui dit « Mais elle l'utilise pour prier la nuit ». Il a dit « Elle se surcharge, qu'elle arrête ». Ce ne sera plus par plaisir, c'est plus fait par plaisir, c'est fait par... Ça devient lourd, ça devient un fardeau. Or, l'ibada, comme on a dit, elle est accompagnée de l'khawf, de la peur. Tu as peur qu'Allah n'accepte pas ça et qu'il va te châtier pour tes péchés. De l'espérance, tu espères qu'Allah va accepter ton œuvre et qu'il va te faire miséricorde. Wat-ta'dhim wa al-mahabba. Et tout cela accompagné de la grandeur d'Allah et de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu aimes adorer Allah azza wa jalla. Voilà où est-ce que tu dois en être. Ça, c'est dans l'ibada, dans ce que tu dois faire. Kadhalik fi tarak al-ma'siyah. Pourquoi tu délaisses un péché? Tu dois délaisser ton péché parce que tu désobéis à Allah Azza wa Jal. Anta fi ma'siyatillahi subhanahu wa ta'ala. Man khalaqakum, wa man razaqakum, wa man huwa maliki yumiddin, wa man arsala ar-rusul, rahmatan lin-nas. Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que tu as bien pris conscience que tu désobéis à Allah Azza wa Jal, à celui qui a créé les cieux et la terre? Est-ce que tu as bien pris conscience que tu désobéis à celui qui a envoyé les messagers? Est-ce que tu as bien pris conscience que tu désobéis à celui qui t'a fait connaître sa religion, alors qu'il se passe de toi? Et sans lui, tu n'es capable de rien. Est-ce que tu as bien pris conscience que tu as désobéi à celui qui a noyé Pharaon et son armée, qui a anéanti tous les peuples qui ont désobéi, comme le peuple de Lot et tous les autres peuples, qui ont démenti ce avec quoi les prophètes sont venus? Est-ce que tu as bien pris conscience que tu as désobéi à celui خلق الجنة وخلق النار, celui qui a créé le paradis et celui qui a créé l'enfer? Tu as bien pris conscience de ça? C'est ça le ma'siyah. وكل معصية الله عز وجل طاعة الشيطان من أقوال السلف. Toute obéissance, toute désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala est une obéissance à qui? Au diable. À Shaitan, à Iblis. Pourquoi est-ce que tu désobéis à quelqu'un qui te veut la miséricorde et qui souhaite ton bonheur et ta réussite pour une éternité? Tu délaisses cette obéissance à lui pour obéir à qui? À quelqu'un qui veut ta perte et qui souhaite que tu sois brûlé avec lui, toi, ta femme et ta famille, parce que ne crois pas que le diable veut ton bien, veut le bien pour ta famille. S'il peut avoir toi et la famille entière, il ne se gênera pas. Tu es peut-être touché par le péché aujourd'hui, toi, demain sera peut-être ton épouse et tes enfants. Et il n'y a pas pire que de voir ses enfants dans la désobéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais les enfants, ils regardent le père et la mère. Ne crois pas qu'ils regardent quelqu'un d'autre. Cette histoire, Minas Salaf, où un homme, il en avait marre de son père, parce qu'il était trop vieux, il en avait marre de s'occuper de lui. Il le prend, il construit un panier, afin de le mettre dedans et l'envoyer dans un lac, dans une rivière. Et le petit est à côté de son père et lui dit, « Oh mon père, apprends-moi à faire ça, comme ça je pourrais faire la même chose avec toi. » Ce n'est pas ce qu'il est en train de faire son père. « Kamatadina tudan, comme tu fais, on te fera. » Celui qui est rentré, qui a prié n'importe comment, il était présent, il dit à son ami, « J'ai pitié pour ces enfants, celui-là. » Il dit, « Mais pourquoi ? C'est salat, c'est tout. » Il a dit, « J'ai pitié pour ces enfants qui vont le regarder comment il fait la prière et qui vont faire après la prière comme lui. » Ils vont le suivre là-dedans. « Utorok al-mahsiyya. » Délaisse ton péché. « Lillahi azza wa jal. » Pas pour les gens. Délaisse-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Prends conscience envers qui tu as désobéi. Et délaisse-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa tatoub ilallahi azza wa jal. » Hada shahr ramadan mubarak, shahru rahma wal maghfira. Il n'y a pas une meilleure occasion que celle-là. Il n'y a pas une meilleure occasion que ce mois-là, dans cette nuit-là où tu es le plus proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lève tes mains et tu demandes pardon. C'est tout. Rien d'autre. Ne dis pas, oui, mais je veux retomber dedans, ça ne sert à rien. Tu ne sais pas de quoi il fait le lendemain, ni la minute d'après. Si tu es mort juste après t'être repenti, Allah Azza wa Jal t'aura pardonné, bi'idhnillahi ta'ala. Et la bonne pensée sur Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens, bid'af al-aqida, à cause d'une faiblesse dans leur croyance, ils font des repentirs, ils font des ibadettes, et après ils doutent qu'Allah va accepter. Non. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il donne sa parole, il dit qu'il te pardonne, il te pardonne. Mais à toi de faire les choses convenablement. Mais wallahi, si tu as fait les choses convenablement, bi'idhnillah, Allah Azza wa Jal te pardonnera. Il n'y a pas plus miséricordieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il te dit te pardonnera, il ne te pardonnera pas. Il te pardonnera, bi'idhnillah. Lève tes mains durant ce mois, demande pardon, ikhlas. Délaisse ce que tu fais. Tu n'arrives pas à délaisser d'un coup ? Petit à petit. Certains ne vont pas réussir à délaisser d'un coup. Ils délaissent petit à petit. Pourquoi ? Parce qu'ils sont habitués. Leur nefs, ils l'ont habitué au mal. Tellement ils l'ont habitué, c'est devenu un vice. Donc il ne peut pas d'un coup comme ça. Donc ça va être petit à petit. Comble le manque. Comble le manque. Ta nefs, si tu l'as habitué à quelque chose, elle va ressentir un manque lorsque tu vas arrêter de faire ça. Alors comble ce manque par une ibada ou par du dhikr ou par quelque chose. Ou par une occupation, tout simplement. Certains savants, ils mentionnent, lorsque tu veux délaisser tel péché, tu sens que là, il arrive, tu vas le commettre, occupe-toi à quelque chose d'autre qui va te prendre la tête. Yani, qui va te prendre beaucoup de temps. Il vaut mieux que tu sois dans cette chose-là. Et voilà le mafsada ou le maslaha. Ou le mafsada ou l'akbar. Il y a quelque chose, c'est un mal, il y a quelque chose, c'est une perte de temps. C'est moins grave quand tu es dans la perte de temps que quand tu es dans ce mal. Et cela, petit à petit, tu vas t'éduquer. Mais si tu ne profites pas du mois de Ramadan, pendant que shayatines sont enchaînés, pendant qu'Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à ses serviteurs, si tu ne profites pas de ce mois-là maintenant, وَفِي هَدِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَ لَيْلَةُ الْقَدَرِ, tu ne le feras pas après. C'est comme les gens qui nous disent, je ferai ma prière quand j'arrêterai mes bêtises. Wallahi, vous n'arrêterez pas vos bêtises tant que vous ne ferez pas la prière. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْفَحْشَيْ وَالْمُنْكَرِ. C'est certes la prière qui éloigne des turpitudes et des péchés, et non pas le contraire. Donc cette nuit-là est meilleure que 1000 mois d'adoration. Que 1000 mois d'adoration. ثم قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها تنزل شيئا فشيئا. Les anges descendent. S'ils descendent, ça signifie qu'ils sont en haut. Celui qui descend, c'est qu'il est en haut. Al-Malaïka, où est-ce qu'ils sont ? Fis-Samawat. Leur demeure, ce sont les cieux. Leur demeure, ce sont les cieux. Or, durant cette nuit, les anges, Allah tabaraka wa ta'ala connaît mieux ces créatures que n'importe qui. Allah tabaraka wa ta'ala qui a créé lui-même les anges et qui ordonne aux anges ce qu'il veut, ils descendent. Al-Malaïka. Wa-Ruhu fiha. Regarde la distinction. Regarde comment Allah tabaraka wa ta'ala élève ses créatures. Ses créatures les préférées parmi les créatures. وَالْرُوحُ فِيهَا وَالْرُوحُ هُوَ جِبْرِيلْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَكِنْ جِبْرِيلْ مِنَ الْمَلَائِكَ. Allah Azza wa Jal n'a pas dit les anges descendent, khlas. Non. Les anges, وَالْرُوحُ et جِبْرِيلْ. Ruh, c'est جِبْرِيلْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Les anges et جِبْرِيلْ descendent. Il a marqué une spécificité sur جِبْرِيلْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Cela prouve qu'il est un ange qui n'est pas comme les autres anges, qu'il est l'un des préférés d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا للتشريف. Allah عز وجل l'a élevé ici dans ce verset. On trouve d'autres versets où Allah عز وجل parle de Jibril. Dans combien de hadiths le prophète صلى الله عليه وسلم parle de Jibril, qu'il est l'ange chargé de la révélation. Or ici Allah عز وجل mentionne que les anges descendent, des cieux ils descendent, ainsi que Jibril. Or il est connu lorsque Jibril descend, c'est pourquoi ? Pour la révélation. Est-ce qu'il y a encore un prophète parmi nous aujourd'hui ? Là, le dernier des messagers, wa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Or, cette fois-ci, Jibril ainsi que les anges, et Jibril alayhi salatu wa sallam, descend fi hadhihi al-laylati mubaraka. Cette fois-ci, il descend. Et là, ce n'est pas pour une révélation. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala mentionne que les anges descendent, si les anges descendent, c'est qu'il y a quoi ? L'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fil ard. Les anges ne descendent pas dans un endroit où il y a des péchés, sauf les anges qui notent. Eux, ils notent. Personne ne peut leur interdire de noter. Personne ne peut les empêcher de noter, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal n'a pas besoin des anges pour savoir ce que tu fais. Il est informé. Pourquoi il note ? On te donnera ton livre et tu pourras vérifier par toi-même. Et tu verras bien qu'on a été juste avec toi. Yawm al-Qiyam. C'est pour marquer, pour montrer, Allah tabaraka ta'ala ici utilise ces créatures qui sont les anges qui notent pour montrer sa justice. Subhanahu wa ta'ala. On sait que dans une maison où il y a surah, des images d'êtres vivants ou des animaux, les anges ne rentrent pas. Les anges ne rentre pas dans une maison, dans une demeure où il y a un chien ou bien des images d'êtres vivants, hein, de tout ce qu'il y a, ruh, une âme. Il ne rentre pas. Et comme il le précise bien Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah, si les anges ne rentrent pas, qui est-ce qui rentre ? Ash-shayatin. Parce que quand il y a ma'siyatullahi azza wa jal, quand il y a le péché, c'est shayatin qui vient. Le fait que les anges descendent, cela signifie qu'il va y avoir Ar-Rahma, Was-Sakina, Was-Salam. Il va y avoir cette ambiance de miséricorde et du repos du cœur, sans exagération. Quand je dis le repos du cœur, sans exagération. Quelqu'un qui est à la sunna, il est au juste milieu. Il ne commence pas à rentrer en transe. Hein, ou à commencer à tituber en faisant des dhikr comme ils font Sophia. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ils commencent à rentrer en transe et à danser, etc., etc. Ça, c'est pas du dhikr. Le juste milieu, dans toute chose. Le sunnah sont les gens du juste milieu. Comme la religion de l'islam, est la religion du juste milieu. Donc si les anges descendent, c'est qu'il va y avoir Ar-Rahma ou Sakina. Comme c'est rapporté dans beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wa yaqul Allahu azza wa jal bi'idhni rabbihim. Par la permission de qui ? Ils descendent ? De leur Seigneur. Seul Allah azza wa jal décide qui va où. Allah tabaraka wa ta'ala commande ses anges. L'ange chargé du tonnerre et de la pluie, du tonnerre, Allah Azza wa Jal lui ordonne où est-ce qu'il ramène les nuages, comme c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur Ar-Ra'd. Ar-Ra'd, certains ulama, selon le hadith, mentionnent que c'est le nom de l'ange qui est chargé d'accompagner les nuages et que le bruit qu'on entend, comme le mentionne le hadith, c'est les nuages qui se rentrent les uns contre les autres. Et c'est ce qu'on entend, c'est ça le tonnerre. Il en est de même pour la pluie. Il en est de même pour les anges qui notent. Chaque ange a une fonction bien déterminée. Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonne ou lui dit d'arrêter. Seul Allah subhanahu wa ta'ala. Et les anges ne désobéissent pas. Jamais. Ils ne peuvent descendre que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La permission d'Allah azza wa jal se divise en deux. Certains vont dire, oui mais attends, ça veut dire que les gens font du shirk par la permission d'Allah ? Parce que tout ce qui se passe, ce n'est que par la permission d'Allah. Shubha. La permission d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux. Il y a ce qu'Allah veut, il donne la permission et il aime la chose. Et il aime la chose. Allah tabaraka wa ta'ala te donne la permission de pouvoir jeûner le mois de Ramadan. Il aime ça, subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal t'aime pour ça. Allah tabaraka wa ta'ala te donne la permission de pouvoir faire qiyam tarawih, de prier les prières de la nuit. Allah azza wa jal aime lorsque le croyant effectue l'ibadah. Il aime la chose. Il te le permet, mais il aime la chose. Et il y a ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala permet, mais il n'aime pas cette chose-là. Ils ont voulu légiférer sans la permission d'Allah. C'est-à-dire sans ce qu'Allah aime. Subhanahu wa ta'ala. Donc les anges ne peuvent descendre que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya. As-salam. Kathir min al-muslimin hum yakuluna as-salamu alaykum. كل مسلم يقول السلام عليكم لكن سؤال هل يعرفون معنى السلام on dit tous السلام عليكم Allah عز وجل mentionne que durant cette nuit il y a quoi السلام certains traduisent en français par la paix c'est pas la bonne traduction السلام من اسماء الله عز وجل اولا c'est l'un des noms d'Allah السلام c'est l'un des noms d'Allah ce nom d'Allah redresse-toi inchallah Ce nom d'Allah, c'est rien. Ce nom d'Allah, il signifie qu'Allah tabaraka wa ta'ala est dénué de toute imperfection. Comme l'a bien expliqué Cheikh Ibn al-Uthaymeen rahmallah dans une cassette, j'ai oublié le titre de la cassette, inchallah si on le retrouve on le donnera. Lorsque tu dis assalamu alaykum, du'a, c'est une invocation. Assalamu alayk ou assalamu alaykum. Ça signifie que tu es en train de demander à Allah tabaraka wa ta'ala, étant donné que as-salam, ça signifie être dénué de toute imperfection, yani as-salamu alaykum fi dinikum wa fi kulli shay. Tu es en train de dire à Allah tabaraka wa ta'ala que le salam soit sur lui, c'est-à-dire que ce frère-là, ou cette jama'a à qui tu passes le salam, soit dénué de toute imperfection dans leur religion, dans leur corps, dans leurs vêtements, dans leurs affaires de la dunya, dans leurs épouses, dans leurs enfants, fi kulli shay. Assalamu alaykum. Ou assalamu alayk. C'est ça le vrai sens de assalam. Cette nuit-là, assalam. يقول الله جل وعلا سلام هي. سلام هي. Pourquoi ? Pourquoi As-salam fi hadhihi al-laylati al-mubarakah ? Parce que c'est une nuit où, alhamdoulilah, même si certains commettent des péchés, commettent du shirk ou le bid'ah, la majorité des gens commettent l'ibadah, font l'adoration à Allah Azza wa Jal. Il y a moins de péchés durant cette nuit-là dans la communauté musulmane qu'en dehors, que dans les autres nuits. Il y a moins de péchés pendant le mois de Ramadan dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que dans les autres mois. Salamun hiya. Hadhihi al-laylati al-mubarak. Hatta matla' al-fajr. Jusqu'à quand Al-malaika descend durant cette nuit jusqu'au fajr. Cette nuit-là dure jusqu'au fajr, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'heure de la prière, jusqu'à ce que l'heure de la prière arrive. Voilà comment Salaf ou Salah ont compris Laylatul Qadr. Voilà comment les Sahaba radiallahu anhum ont compris cette nuit. Normalement, après avoir compris ça, bi'idhnillah, tu vois les choses autrement. Et tu vois bien la valeur de cette nuit-là. La valeur de cette nuit-là auprès de qui ? Indallahi azza wa jal. Qui a fait de cette nuit-là une nuit bénie ? Qui a fait de cette nuit-là une nuit de pardon ? Une nuit de ibadah ? Si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah. Une nuit dans un an. Allah tabaraka wa ta'ala te demande de faire des efforts. Une nuit durant un an. C'est quoi une nuit durant un an ? Durant une vie, Allah azza wa jalla te demande quoi ? Un hajj. Min arkan al-islam. Il te demande un pilier de l'islam qui est quoi ? Durant une vie, hein, on t'a demandé quoi ? Un hajj. Un pèlerinage. Et encore bishurut. Avec des conditions. Si tu as les moyens physiques et matériels. Si tu n'as pas les deux, tu n'es pas concerné. Ça, c'est durant une vie. Durant une année, on te demande une nuit. Laylatul Qadr. De faire des efforts durant cette nuit. Sur 12 mois, on t'ordonne quoi ? De jeûner un mois. Et en plus, c'est que la journée. Al-Muslim, il voit les choses comme ça. Il ne voit pas les choses dans le fardeau. Il voit les choses dans Rahma, Ni'ma, c'est un bienfait. Or, un cœur malade, il verra ça dans l'autre sens. Un mois sur 12. Un mois, 60, 30 jours. Lui, il voit ça comme ça. Il ne voit pas dans l'autre sens. Lui, il ne voit que le mois, là. Il ne voit pas qu'il a 11 mois de libre. Un mois. Dans une journée, dans une semaine, Allah tabaraka wa ta'ala te demande quoi ? Salatul Jumu'ah. De ne pas louper cette prière, qui est Salatul Jumu'ah. Une prière parmi toutes les prières de la semaine. Salatul Jumu'ah. Et là encore, ce n'est pas pour être un fardeau. C'est contre le Jumu'ah et le Jumu'ah, tu as le pardon de tes péchés, de tous tes péchés. Le Jumu'ah et le Jumu'ah. Sur une journée, Allah Azza wa Jal te demande quoi ? 5 prières. Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, il a fait le calcul rapidement. Il a dit 5 minutes pour le wudu, 10 minutes pour la prière. Et encore. Hein. Ça, c'est Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, et ceux qui le suivent. Nous, quelquefois, nos prières, est-ce qu'elles sont comme ça ? Est-ce qu'on met bien 5 minutes ? 5 minutes, là. Si je laisse tourner 5 minutes sans parler, vous allez voir le temps, comment il est long. 5 minutes pour faire les ablutions. Mais comme il le disait lui-même, rahimahullah ta'ala, si les musulmans prenaient conscience au moment où ils font les ablutions que leurs péchés sont en train de couler, ce serait déjà bien. Or, les musulmans aujourd'hui, nous, on fait les ablutions par habitude. Hein ? On ne dit pas que c'est interdit de parler pendant les ablutions. Tu as le droit de parler pendant les ablutions, ça n'annule pas. Certains vont dans l'extrême, tu n'as pas le droit de parler pendant le wudu. Non. Mais est-ce que tu prends conscience que c'est bien une ibadah que tu es en train de faire ? Ou bien pour toi, c'est devenu... Hein, c'est devenu quoi ? Quelque chose de banal. C'est une ibadah. Tu dis bien bismillah avant de le faire. Allah Azza wa Jalla te l'a bien ordonné de le faire. Et sans ça, il n'y a pas de prière. Quand tu sais qu'une chose, on te dit, écoute, cette chose-là, si tu ne la fais pas convenablement, toute ta prière, elle est bâtée là. Hein ? Or les gens, ça c'est l'un des pièges du shaitan, il te fait te concentrer sur la prière à fond et en négligeant toutes les conditions qu'il y a avant. Tiens, j'ai loupé l'heure, c'est pas grave, je la rattraperai ce soir. Et le soir, quand il la rattrape, il est à fond dans sa prière. Alors qu'il n'a pas d'excuse valable. Yarhamukallah. Alors qu'il n'a pas d'excuse valable pour avoir délaissé cette prière. C'est comme la prière obligatoire ou le tahajjud. Le tahajjud, les prières de la nuit, durant les 10 dernières nuits, hein, c'est fortement recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Certains sont plus concentrés durant ces prières-là que durant une prière obligatoire. Alors qu'une prière obligatoire, c'est un pilier de l'islam, une arcane de l'islam. Elle est beaucoup plus importante que les prières de la nuit. Alors il se peut que Shaitan, il te laisse tranquille durant tes hajjout et il ne te laissera pas faire ta prière obligatoire. Il se peut que des musulmans fassent plus d'efforts dans le tahajjud que dans une prière obligatoire. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a bien mentionné fil hadith qudusi, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par l'obligatoire. Ensuite par ce qui est surérogatoire. Et quand il fait ce qui est surérogatoire, je l'aime. هذا يكفيك. Donc on voit bien qu'en vérité Allah Azza wa Jal ne te demande pas grand chose. Et en plus Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de toi, ni de toi ni de ce que tu fais. C'est pour toi, ya akhi. C'est pour toi, ta famille et tous ceux qui t'entourent. Et si chacun fait ça, tu te retrouves avec une communauté qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et dénuée d'imperfection bi'idhnillahi ta'ala. Donc voilà comment as-salafu salih, prenez conscience de cette nuit bénie et des 10 derniers jours. Hein? Maintenant, c'est nafsi, nafsi. Comme répondront les prophètes Yom al-Qiyama, chacun pour soi, chacun pour soi. Chacun se connaît. Mais quand on dit nafsi, nafsi, est-ce que ça veut dire que les gens, tu les laisses? Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, durant les 10 derniers jours, il ne manquait pas de réveiller sa famille. Il réveillait toutes ses épouses, toute sa famille, pour montrer que ce sont des jours exceptionnels, afin de les inciter à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il faut montrer à sa famille que ce n'est pas un jour comme les autres, ce n'est pas une nuit comme les autres, en expliquant tout ce que l'on vient de voir ici, bi'idhnillahi ta'ala. Hein? S'ordonner le bien, s'interdire le mal. Beaucoup croient que, hein, ils sont dans l'autre extrême, le mois de Ramadan c'est juste as-siyam wal-qiyam, et toutes les autres ibadat, elles n'existent pas. Ordonner le bien, interdire le mal, apprendre le hadith, apprendre la science, il n'y a plus rien, non. Nous, on en a besoin. Mais salaf au salah, radiallahu anhum, il est vrai qu'il se concentrait sur la lecture du Coran. C'était le mois du Coran. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il accepte nos jeûnes, nos prières, et qu'on fasse partie de ceux qui pourront prier cette nuit qu'Allah Azza wa Jalla a choisi, et qu'il nous compte parmi ceux qu'Allah Azza wa Jalla a choisi lui-même pour pouvoir assister à cette nuit, et que ce mois de Ramadan il soit tarbiyatun nufus, qu'il soit pour nous une éducation de notre propre personne, que l'on soit après le mois de Ramadan mieux que ce qu'on était avant. Celui qui était bien, il sera encore mieux. Celui qui n'était pas bien, il sera bien. Celui qui commettait un péché continuellement, inshallah, il va l'abandonner bi'idhnillahi ta'ala. Ne t'inquiète pas, Allah Azza wa Jal, tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala va délaisser son serviteur alors qu'il veut abandonner un péché? Est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui-même, il n'est pas capable de te l'enlever ce péché? De l'enlever de ton cœur, de te le faire détester, de te le faire regretter? Allah Azza wa Jal détient les cœurs entre ses doigts, il y met ce qu'il veut, il enlève ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala, at-tawhid, c'est ça l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans son remettre à Allah Azza wa Jal dans tout. الحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك الله لي ولكم. Vous pouvez arrêter vos enregistrements, inshallah.